Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Moi? Non. Ne parlons plus de querelles. C'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour l'aîné d'Hyménée. C'est une philosophe, enfin. Je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur, se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette, de choisir un mari. Je sais à quoi j'ai songé et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue et de tout point, chez moi, l'affaire est résolue. Au moins, ne dites mot du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite et je connaîtrai bien si vous l'aurez instruite.